micro ouvert. On s'écoute la deuxième partie avec la SBL Humus. Et cette fois-ci, c'est Bénédicte Moon qu'on a déjà entendu, mais surtout Corinne Moman qu'on n'a pas entendu, qui sont vraiment les deux initiatrices de cette ASBL Humus. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment au pied de l'arbre, tranquillement, de les rencontrer un peu plus politiquement, on va dire ça comme ça. Mais avant, puisqu'on a le temps, c'est d'écouter un petit passage de ce bouquin qui vient d'être écrit sur Bill Gates, qui s'appelle « L'incroyable arnaque derrière sa fondation ». Voilà. Et le journaliste qui a fait cette enquête s'appelle Lionel Astruc. Trouvé sur le net. Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. Bill is a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. It's chaos. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up, he gets really frustrated. It's scary. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see. At Microsoft, I worked night and day, and that was how I made sure Microsoft stayed ahead. I could be so extreme. You never understood the first thing about this. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture. He'll do whatever he can to capture more of the market. Our mother wanted him to focus on community and family. I gave my mom a hard time not following what she wanted. You don't raise a family hyper-focused in your head. Each one of us has to start out with developing his or her own definition of success. I had the wrong way of looking at things. In life, you have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. We are running out of time here. He tends to look at problems from unusual angles. There hasn't been innovation in nuclear energy for 25 years. What are the odds of getting the job done? If you want to make a dent in this, you better think in wholesale magnitudes. He's at his best when the deck is stacked against him. There's many challenges. This is harder than I expected. Ultimately, it's not what you get. It's what you become. Ce que vous venez de voir est la bande-annonce d'un documentaire, on peut le dire, assez élogieux sur Bill Gates, présenté comme l'un des plus grands philanthropes du monde. Lionel Astruc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain et journaliste. Vous avez publié « L'art de la fausse générosité sur la fondation Bill et Melinda Gates » aux éditions Actes Sud, un livre enquête qui dévoile un peu la face cachée de la fondation la plus puissante du monde et de la pseudo-générosité de Bill Gates. Quelle est votre réaction en voyant cet extrait du documentaire ? Bah, pour tout vous dire, en fait, c'est ce genre de message qui m'a poussé à écrire le livre. Ils en font tellement trop, justement, dans ce... Alors, maintenant, on va voir le documentaire, ça n'est que l'annonce, mais on voit bien que ça va être une hagiographie très complaisante, très mielleuse, qui va nous présenter un homme qui est plus proche du Dieu que de l'homme normal. On le voit bien avec cette bande-annonce. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai lu des articles, y compris dans des suppléments de magazines consacrés au mécénat, avec des journalistes qui étaient spécialisés, etc., et qui continuaient, en fait, à présenter Bill Gates comme si c'était vraiment un exemple de générosité. Il est d'ailleurs devenu, en fait, une sorte d'étalon de mesure de ce que c'est que la grande générosité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle de philanthropie, de mécénat, on dit « Ah oui, c'est comme Bill Gates qui donne tellement, etc. Et, » et au bout d'un moment, c'est vrai que moi, connaissant déjà, avant de démarrer l'enquête, une partie de ce qui se cachait derrière ce joli décor, à un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment insupportable et donc j'ai commencé cette enquête. Alors dans le livre, vous développez un terme, le philanthrocapitalisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, le philanthrocapitalisme, c'est donc un mélange de générosité et de capitalisme. Et l'idée, en fait, des tenants de ce mouvement, qui sont tous de très, très grandes fortunes, c'est qu'en fait, ils vont pouvoir, à travers la générosité, faire des affaires. Et c'est l'idée aussi que, en fait, finalement, ils font le constat que la philanthropie actuelle, eh ben, elle n'est pas assez efficace, et que si elle voulait être plus efficace, il faudrait qu'elle utilise les méthodes du capitalisme. Ce que ça suppose, c'est qu'en fait, le philanthrocapitalisme met au centre de son fonctionnement les grandes entreprises, les multinationales, et surtout des méthodes capitalistiques et commerciales. Et donc, si la philanthropie vient alimenter le commerce qui les rend riches, eux, ça ne pose aucun problème. Il n'y a donc pas de remise en question de la justice sociale. Il n'y a pas de remise en question du système. En fait, ce qui est dingue, c'est que l'argent de la fondation provient d'investissements auprès de grandes entreprises, des grandes entreprises qui contribuent justement à la pauvreté dans le monde. Ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Le financement de la fondation Bill et Melinda Gates, c'est vrai que ce qu'on voit de l'extérieur, c'est on a l'impression qu'il y a des dons très importants qui sont faits. Bon, en tant que journaliste, on doit en fait simplement, je crois, analyser les faits. Et les faits, c'est que entre 2011 et 2019, eh bien, la fortune de Bill Gates, elle est passée de 56 milliards à 96 milliards d'euros. Donc, elle a augmenté de 40 milliards d'euros en 8 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en train vraiment de se dépouiller au profit des pauvres. Alors, comment il fait pour à la fois accroître sa fortune dans de telles proportions, qui sont vraiment astronomiques, et en même temps faire croire qu'il est généreux dans le monde entier, que c'est l'homme le plus généreux? Ben, en fait, c'est un système de placement, effectivement, comme vous l'avez dit. Et ces placements, ils sont faits via ce qu'on appelle un trust, c'est-à-dire un fonds d'investissement. Donc, à la fondation est adossé un fonds d'investissement. Et ce fonds d'investissement place de l'argent. Et ce ne sont que les dividendes de ces placements qui vont ensuite alimenter la fondation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors ça, à la limite, je dirais, ça pose pas de problème si les investissements sont vraiment irréprochables. Ou alors si les investissements eux-mêmes contribuent à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais là, où investit le trust de la fondation Bill et Melinda Gates? Il investit dans l'armement, et notamment un fleuron de l'armement britannique qui s'appelle le BAE System, dans les énergies fossiles. Il faut savoir que ce fonds investit dans 35 des 200 sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre. Bon, les laboratoires pharmaceutiques, les OGM, Monsanto bien sûr, et la malbouffe avec Coca-Cola, McDo, etc. Est-ce que vraiment investir dans ces sociétés-là, les encourager, leur donner les moyens de se développer, je pense par exemple aux énergies fossiles, est-ce que c'est vraiment un acte de philanthropie? Est-ce que vraiment on va arriver à se sortir d'affaires avec ce genre de comportement? C'est pas sûr. La Fondation Gates couvre des domaines très vastes, hein, tels que la santé, l'éducation et l'agriculture. Mais alors, sous couvert de philanthropie, c'est ce que vous révélez dans le livre, en fait, sa fondation, elle aide surtout des grands groupes à conquérir des marchés comme Coca-Cola, par exemple. Oui, c'est ça qui est vraiment... Plus on s'enfonce dans cette affaire, plus on va loin, en fait, dans les vérifications, l'observation, l'analyse de ce grand mécano qui a plusieurs étages, on le comprend maintenant, plus on s'aperçoit que, décidément, tout est effectivement dédié aux grandes entreprises et multinationales. Allez, go, c'est parti, et on est dans la nature, on est à Humus, et on est près d'un magnifique... comment on l'appelle, cet arbre? C'est un saule. Voilà, un saule. Il n'a pas de nom particulier, ce saule? C'est pas un quartier général, un peu, ici? Il y a beaucoup de saules dans le coin, mais donc je ne connais pas le nom de la variété, mais c'est un très vieux saule. Très vieux, il y a son tronc qui est évidé par le temps, simplement, et peut-être la foudre à un moment. Ah ouais. Et donc là, en face de moi, il y a Bénédicte et Corinne, est-ce que vous avez envie de rajouter un nom de famille ou pas? Oui, moi c'est Corinne Momen. Et moi c'est Bénédicte Mon, donc on a des noms qui se ressemblent un peu mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Et donc on est à Humus, est-ce que vous présentez un peu Humus? Donc, c'est quoi? Comment c'est né? Ça fait combien de temps? Et en fait, il se fait que l'ASBL Humus a vu le jour début 2009. Et donc, ça fait 10 ans qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est une petite histoire qui a démarré simplement avec l'idée de... que les choses peuvent naître sur un pré et qu'à partir d'un pré, on peut faire un jardin et qu'on peut rencontrer les gens et qu'il y a des choses qui peuvent s'y passer et qu'on est en lien avec la nature. Donc il y a la nature, il y a l'environnement, il y a la santé, il y a le jardin, il y a l'alimentation. Tout ça tourne un petit peu autour de ce pré du départ et qu'on a cultivé tout doucement, d'abord avec quelques personnes pour faire un jardin collectif. Ça n'a pas... tout à fait bien fonctionné parce qu'au milieu rural c'est peut-être un peu difficile de faire le jardin collectif. Il y a chacun pourquoi son, voilà. Parce que chacun a son jardin et que la nécessité n'est peut-être pas aussi présente qu'en ville. Et puis peu à peu ce petit jardin on l'a abandonné, on est venu dans un plus grand jardin. C'est la troisième saison qu'on est ici maintenant et en fait le jardin potager a vu surtout le travail aussi, en fait, l'aménagement du jardin se fait via des formations que nous organisons tout au long de la saison avec des groupes de personnes qui viennent une semaine sur deux et un autre groupe qui vient un dimanche une fois par mois. Et donc, c'est surtout pour apprendre le geste, d'approfondir un peu les idées de comment on travaille aujourd'hui un peu la terre. Qu'est-ce qui est important aussi, la conscience est importante, même si on ne le dit pas, mais c'est quelque chose qui est quand même fort présent aujourd'hui. Tu parles de conscience, la conscience de quoi, de qui, de comment, quoi. Parce que là, tu abordes tout de suite le... quelque chose de plus large. Pour moi, la conscience, elle est aujourd'hui plus aiguisée ou peut-être plus accessible. Je ne sais pas vraiment dire comment l'exprimer, mais en tout cas, on est appelé, il me semble, de plus en plus de choisir vers comment on veut faire les choses. Et donc, c'est quand je parle de conscience, c'est justement donc d'aborder, de s'ouvrir sur un maximum de choses pour pouvoir après, en conscience, voir qu'est-ce qui est important pour soi, qu'est-ce qui est important peut-être en lien aussi, pas seulement pour soi, mais avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et il me semble que c'est quelque chose qui nous aide. Demander, on a tellement d'informations qu'on ne peut pas faire l'impasse de se documenter et de se positionner aussi par rapport à... Mais c'est trop vaste ce que tu dis, c'est un ensemble, il faudrait aborder un peu la chose, mais je vais te donner la parole Corinne, parce que sinon on s'y perd. J'entends bien tout ce que tu dis, mais voilà. Mais par exemple... au niveau du jardin, on aborde évidemment, les personnes viennent d'abord pour apprendre à faire leur potager, mais par ce biais-là, on va parler par exemple de la terre et de comment préparer la terre. Et donc c'est aussi en lien avec les modes d'agriculture qui ont lieu actuellement, les modes d'agriculture dominants où on laboure et où on considère la terre finalement comme un substrat, dans lequel on va venir mettre des graines, de l'engrais, etc. Et donc, en tout cas, nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est une vision, une compréhension plutôt de la terre comme un organisme vivant avec lequel on va être en collaboration, on va le nourrir, la terre va nous nourrir. Et donc, comme ça, bon, là, j'ai pris l'exemple de la terre, mais pour les graines, ça peut être la même chose. Est-ce que j'utilise des engrais ou pas? Comment je fais avec ce qu'on peut appeler les indésirables ou les ravageurs. Et donc, c'est aussi, on essaye de mettre en évidence quelle relation chacun peut avoir avec son jardin et avec les êtres vivants qui sont là, donc les animaux, les plantes, le sol, la vie du sol, l'eau, tout ça. Oui, mais ce que vous racontez, c'est un peu l'origine du monde, quoi. C'est le sens, on vient tous de là, on vient de la terre, du ciel, voilà. Moi, ce que j'avais plus envie de discuter avec vous, parce que voilà, c'est un peu... Enfin, vous, ça fait 10 ans, si je comprends bien. Donc, on peut pas vous reprocher d'être dans la tendance, à la mode, parce qu'il y a ça aussi, quoi. Hein. Et bon, qu'est-ce qu'il y a de moins chouette à la mode? C'est qu'on fait comme tout le monde, et parce que c'est tendance, il y a peut-être un... Comment on dit ça? Quelque chose à prendre à cet endroit-là, même au niveau financier, économique, on va dire. Mais vous, vraiment, c'est pas ça. Et je le vois bien, j'ai discuté avec vous, il n'y a pas de... On parlait des formations qui coûtent des fois la peau du cul, dans ce domaine justement, hein, pour se ressourcer, apprendre les gestes ancestraux, on va dire. Du coup, moi, j'avais plus envie de causer avec vous, mais tiens, d'où ça vous est venu cette idée il y a 10 ans de se dire retour à la Terre, et puis aussi comment vous vous projeter dans un monde énorme aussi, parce qu'évidemment, vous voyez, il y a l'entre-soi, on pense, ah oui, on pense pareil, c'est chouette, mais il y a aussi le grand monde, les masses, la consommation. Comment vous vous situez par rapport à ça? Mais tu parles de 10 ans, moi j'ai l'impression que j'ai quelque part toujours fonctionné dans ce lien avec la nature et dans ce respect par rapport à l'environnement. Et ce sont chez moi, c'est pas venu à un moment donné, c'est venu je dirais même presque, c'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression que ça a toujours été présent quelque part. Et mais tu peux l'expliquer, comment ça se fait, ça, que ça a toujours été présent pour toi, d'où ça te vient? Par exemple, les parents, oui, certainement. Il y a certainement. Bon, moi, j'ai grandi en Suisse. Le contact avec la nature est quand même fort présent. Il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de. Et donc, c'est vrai qu'on allait. On allait marcher, mais mon père connaissait bien les oiseaux. Mais on n'avait pas ce côté, par exemple, faire son jardin potager. Moi, je n'avais jamais fait avant. Ce sentiment d'être relié vraiment à, de faire partie intrinsèquement de la Terre ou de l'univers, c'est pas quelque chose que je peux pas dire que j'ai appris, quoi. C'est quelque chose qui se révèle à moi au fur et à mesure que j'avance. Et finalement, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment trouvé. J'ai fait plein de choses, mais j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose. J'ai plus appelée vers quelque chose d'universel ou quelque chose de plus large. Je fais des liens beaucoup avec les choses, mais je peux pas dire que et des fois je me dis, mais tu cherches quoi là, tu fais quoi là, tu vois. Je peux des fois me dire encore que je suis presque là dedans, donc c'est très difficile à dire. Mais souvent je me rends compte que ce qui m'est présent arrive souvent beaucoup plus tard dans le concret, quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans un truc de mode. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression effectivement que c'est dans un truc de mode, mais je ne sais pas dire, d'où vraiment ça vient. C'est une sensibilité à la nature ou je ne sais pas. Ça reste un mystère pour moi, et quelque part, c'est chouette que ça soit un mystère et que ça reste un mystère. Oui. Voilà. Toi, Corinne? Pour moi, il y a à la fois une partie qui est là depuis longtemps. Qui vient certainement de mon éducation, de mes parents. C'est plus une analyse plus sociopolitique du monde. Et donc, j'ai été très jeune, sensibilisée aux injustices sociales surtout. Puis, jeune adulte, j'ai pu vivre en Amérique latine. Notamment, j'ai vécu 3 ans en Bolivie, 2 ans au Pérou. Et là, j'ai rencontré des gens qui avaient justement une relation avec la terre-mère beaucoup très explicite, en fait, parce que dans leur culture, la Pachamama, elle est, même s'ils vivent en ville et qu'ils ne font pas de potager, mais la Pachamama, elle est là. Et donc, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et alors, en revenant en Belgique, j'avais l'impression que cette Pachamama, que la terre-mère, elle, c'était juste en Bolivie. Et que... Ça n'existait pas en Belgique, quoi. Ouais. Et donc là, j'ai travaillé un peu dans des ONG de coopération, notamment. Et puis petit à petit, après ce retour de Bolivie, il y a eu un sentiment qui est devenu de plus en plus fort, que je vivais hors sol dans ce que je faisais, parce qu'il y avait plus contact, que j'avais plus senti en Bolivie avec la terre, mais qui peut se révéler de plein de manières. C'est bien, ça peut être faire son potager, mais c'est marcher dans la nature, c'est être en contact avec les saisons, la météo, un peu tout ça. Et donc, il y a eu quand même pour moi une grosse rupture à un moment où j'ai quitté mon boulot en 2008. Et voilà, j'étais déjà animatrice, mais donc j'ai cherché à comment je pouvais mettre plus les compétences d'animation au service de l'écologie et de l'environnement. Et je dirais que donc, à ce moment-là, il y avait la conscience par rapport à ce qui se passe sur la Terre et les problèmes environnementaux, elle date pour moi déjà quand même d'il y a... Enfin, dans la société, ça fait longtemps aussi, donc c'est pas juste un effet de mode, ça fait bien 40, au moins 40 ans. Donc moi, à ce moment-là, j'ai rencontré notamment le mouvement de la transition, le réseau des initiatives de transition, dans lequel je me suis assez fort retrouvée, et aussi une méthodologie qui s'appelle le travail qui relie, qui permet d'un peu expliciter cette relation à la Terre. Et donc ça m'a fait aussi avancer, à un moment, choisir, effectivement faire le choix de me dire, moi j'ai envie de vivre à la campagne, j'ai envie de faire le plus possible moi-même, alors pas du tout complètement autonome ou autarcique, mais... Pourquoi pas ? C'est pas intéressant cette vision-là aussi ? Je pense que ce qui est intéressant, enfin pour moi le plus important, c'est malgré tout de pas faire ça tout seul, donc d'être dans des collectifs. C'est pour ça que pour nous ça a du sens que Humus s'ouvre vers un public, même si ça reste sans doute un public qui est déjà assez bien sensibilisé, mais de montrer qu'il y a moyen, qu'on peut retrouver ces gestes d'autonomie. Mais dans une idée d'échange et de soutien mutuel, de solidarité, pas juste... ce que je vois, c'est que vraiment tout seul, c'est-à-dire toute seule, je pourrais pas être autonome. Pourquoi ? Parce que j'ai pas toutes les compétences, j'ai pas... pour moi, la vie, le vivant, les êtres fonctionnent pas tout seuls, ça fonctionne par des interactions, des relations, des échanges, et donc... D'abord, ce serait triste. d'être toute seule ? Ouais, je pense. Après, voilà, on peut chacun... Moi, j'ai aussi un besoin de solitude, mais en tout cas, j'ai besoin de me sentir part d'une communauté, je dirais. Et ici, dans le coin, il y a beaucoup d'échanges dans le village, dans les villages avoisinants. Ouais. J'ai envie de réagir à ce qui se dit, là. Mais oui, réagir, non, je pense que je vais un peu dans le même sens. C'est clair que moi, c'est pas uniquement le côté. Je ne sais pas dire. C'est clair que tout seul, on ne sait pas le faire, mais il y a aussi le fait. C'est quand même physique aussi. Et quand on dit tout seul, on parle de quoi en fait ? Parce que on a l'impression qu'on parle de quelque chose, quoi, de lancer un potager, d'accueillir les gens. C'est quoi précisément qu'on parle qu'on ne sait pas faire tout seul ? Mais être tout seul, je pense qu'il y avait peut-être une époque où on pouvait être ermite, quoi. Tu vois ? Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne marche plus, quoi. Ça n'a plus de sens. Il y en a encore des ermites. Mais est-ce que ça encore est-ce que ça correspond encore à l'époque ? Je pense qu'il faut être résolument quand même connecté avec son époque, même si on essaye d'amener d'autres choses. Mais si on ne part pas de ce qui est. Pour moi, il ne s'agit pas de retourner dans des anciennes manières de fonctionner. Pour moi, il s'agit de trouver des manières adéquates aujourd'hui pour dépasser et pour retourner peut-être justement vers un collectif. Parce qu'on est quand même dans une ère matérialiste, individuelle, où le consumérisme est de mise. Et on voit bien, on voit depuis longtemps qu'on va dans le mur et désespérément, on continue à poser les mêmes gestes qui nous mènent droit dans le mur. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, la vie, pour moi, c'est une métamorphose continuelle. En fait, c'est comme un peu... Les plantes, c'est comme ça aussi. Je veux dire, elles sont racines, et puis il y a une tige, et puis il y a des feuilles qui viennent. Et puis, même si c'est un cycle annuel, mais la Terre aussi, elle fonctionne avec des cycles. Et il s'agit... Quand on voit les civilisations... Les nouvelles civilisations, enfin les anciennes civilisations qui se sont écroulées, chaque fois il y a quelque chose qui revient, mais qui doit dépasser en fait ce qui était présent. Et donc, c'est, pour moi, c'est ça. Et quand je vois toutes les petites initiatives qui éclosent un petit peu partout, ce sont ces petits germes qui finalement arrivent toujours avec l'histoire du passé, mais qui sont des nouvelles choses. C'est pas, et c'est aujourd'hui avec les nouvelles choses, mais ce n'est pas retourner vers des anciennes méthodes. Et je pense qu'effectivement, pour moi, on a été à un moment donné coupé de la nature, on a été coupé, mais quelque part, le pendant du fait d'avoir été coupé est aussi le fait d'avoir cette prise de conscience que finalement, on fait partie de cette... Si on n'avait pas été coupé, peut-être qu'on ne s'en serait jamais rendu compte, qu'on doit revenir vers ça. Mais autrement, et donc si maintenant on est dans une zone ou dans une ère complètement... individuel, où il faut sa grosse voiture, le bon boulot, où on change, où on peut écraser le voisin parce qu'on va gagner un peu plus si on l'écrase. Peut-être qu'à un moment donné, s'il y a une prise de conscience, on va pouvoir retrouver effectivement un peu ce qu'on recherche, nous ici, de partager. C'est de la simplicité, mais aussi pour pouvoir sortir de cet individualisme et de recréer un nouveau nous, pour moi, qui est composé de petits jeux, mais qui va vers un nous, donc vers le lien avec les autres et avec peut-être ce qui n'est pas encore tout à fait visible aujourd'hui, mais qui peut-être est en train de s'éveiller. Il y a aussi quand même tout le côté un peu spirituel qui est en... On voit que les gens sont en recherche, que la religion ne donne plus les réponses, et donc on essaye de trouver des choses qui peuvent la remplacer. Et c'est important. Comme quoi, par exemple ? Mais ça peut aller dans tous les sens. Hein. Ça peut aussi être la méditation et tout ça. La méditation, ça peut être simplement le bien-être, quoi. Hein. Non, c'est rapidement récupéré par le consumérisme et les entreprises et tout ce genre de trucs. Mais c'est quand même un besoin, même si c'est récupéré, c'est un besoin. Maintenant. C'est peut-être aussi pour ça qu'on essaye d'essayer de rester modeste, de ne pas rentrer justement dans des trucs de... Moi, je n'ai pas envie que ce soit une entreprise. C'est pour ça qu'au départ, j'ai choisi une ASBL et pas une entreprise. C'est vrai qu'on a besoin de s'y retrouver, peut-être financièrement aussi, mais c'est surtout le fait de recréer quelque chose qui est juste aujourd'hui, pour moi, et pour nous et pour le monde. Mais c'est quoi qui est juste aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut répondre à ça ? Est-ce que vous pouvez ? C'est quoi qui est juste aujourd'hui ? Parce que je tiquais aussi sur ton idée de dire c'est pas qu'on fait comme avant ou qu'il y a un retour à avant. Ça aussi, je trouve ça important que tu précises ça un peu. Ces gens ont fait aujourd'hui avec ce qu'il y a, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça ? Mais je peux prendre l'exemple de la semence, par exemple, simplement pour faire un parallèle. On pourrait se dire aujourd'hui, avant il y avait des semences, des légumes oubliés, de légumes, et donc on retourne vers des semences. Mais il y a aussi de recréer des nouvelles semences qui sont adaptées à notre culture, au climat qui change, au climat. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose. Et ce n'est pas de faire quelque chose qui s'accapare des brevets et qui fait que tout le monde doit devoir payer, mais de mettre à disposition pour les gens aussi des choses qui sont tournées, qui donnent des perspectives finalement vers l'avenir et pas qui rentrent dans le panel ou dans la corbeille de ce qui va s'écraser contre un mur vers lequel on va. Je ne sais pas si je suis compréhensible. Mais... Je crois. Tu as envie de rajouter quelque chose ? Mais pour moi, quand on dit qu'est-ce qui est juste, je pense que c'est à chacun de trouver. C'est parfois, moi, je vois que c'est souvent un long chemin pour les gens de sentir qu'est-ce qui est juste pour chacun. Mais en même temps, chacun ne peut pas le trouver s'il ne fait pas à certains moments un pas un peu, et c'est souvent un pas en dehors du système capitaliste, le système de consommation, etc. Et donc ça passe par des choses très concrètes. Et alors à ce moment-là, par exemple, si les gens se disent je fais un pas, je fais un petit potager, ou je fais mon pain, ou des choses comme ça, on est confronté aussi à la matière. Et petit à petit, il y a des questions qui viennent se poser. Ah oui, j'ai envie de faire mon pain, mais je vais prendre quelle farine? Est-ce que je trouve de la farine qui est produite sans pesticides? Et puis voilà, et de fil en aiguille, à la fois on se pose des questions. Donc c'est en ce sens-là aussi qu'il y a une conscience qui arrive. Moi, quand je dis conscience, c'est connaître, savoir ce qui se passe autour de moi et en quoi mes actes ont eu des conséquences dans le monde. Et donc si je me dis, j'ai essayé de trouver une farine, je me rends compte que autour de moi, il y a aucun agriculteur peut-être qui produit la farine bio, que je dois aller la chercher en Flandre, tiens pourquoi. Et de fil en aiguille, je pense que chacun de ces petits actes, à un moment, permet de se positionner. Et quand je vois des trajets plus longs, à un certain moment, je pense que les gens font certains choix plus radicaux à ce moment-là, parfois de vivre en habitat léger, d'aller vers plus d'autonomie, tous les choix aussi au niveau de l'éducation. Moi, je rencontre de plus en plus de gens qui ne veulent plus mettre leurs enfants à l'école. Et voilà, je pense que chaque... Oui, mais ça, c'est la mode. Demain, on dira le contraire, ils remettront leurs enfants à l'école. Je charrie, j'aime bien, moi aussi, c'est pas marrant, la vie. Hein. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je crois pas, au niveau de l'école, je crois pas que ce soit une mode, parce que c'est quand même pas facile. Je crois que ça pose vraiment des questions aux parents. Ça demande de l'organisation, de se dire, je ne me débarrasse pas de mes enfants parce que moi j'ai besoin de temps pour moi ou pour travailler ou pour moi-même. Donc je pense que les gens qui font ce choix-là, ce n'est pas une question de mode. Maintenant, tant mieux si il y a des choses qui arrivent effectivement parfois d'autres pays où, par exemple, des écoles qui sont plus dehors, dans la nature ou dans les bois, il y a parfois des expériences qui ne viennent effectivement pas de Belgique, c'est plus courant. Soit dans les pays scandinaves ou au Canada, etc. Et ça, par contre, c'est effectivement un des avantages de notre époque, c'est de cette circulation d'informations qui fait qu'on peut trouver des inspirations ailleurs. Et puis après, voilà, on est inspiré, est-ce que ça nous parle? Et puis on fait des choix. Maintenant, c'est vrai que plus dans le potager, quelque chose qui devient, me semble, à la mode, c'est la permaculture, par exemple. C'est un terme qu'on entend beaucoup. Alors qu'il y a, ne fût-ce qu'il y a 5 ans, je crois, enfin 10 ans en tout cas, c'était pas du tout connu. Ouais, bon. Ça, c'est une méthode. Moi, quand je parle de mode, ça veut dire. C'est une méthode pour travailler son jardin, la permaculture. Non, c'est beaucoup plus que ça, la permaculture. Oui, mais pour résumer, alors dis-moi, plus que ça, ça a l'air, puisque en gros, pour pas rentrer dans la permaculture exactement, mais en gros. Mais la permaculture, c'est vraiment une approche de la vie et une philosophie et d'écouter comment fonctionnent les systèmes vivants et essayer que mon système de jardin, d'habitat, de vie soit le plus possible en reflet, je dirais, avec la manière dont fonctionne le vivant. Oui, c'est en lien, connecté avec le ciel, la terre, c'est ce qu'on disait un petit peu, le jardin, potager, tout est relié à tout, en fait, on fait une synergie. Pas d'accord avec ça? Non, parce que là, pour moi, ça fait un peu une soupe, quoi, tout est relié à tout. C'est, dans la permaculture, il y a un regard assez précis sur qu'est-ce qui est relié à quoi, et peut-être tout n'est pas relié à tout, qu'est-ce qui est relié à quoi, et... Non, mais je ne parle pas dans le potager, tu parles du potager, tu parles d'une façon de penser, de regarder les choses, c'est ça que tout est relié, ce n'est pas simplement au potager. Tu n'es pas d'accord avec ça? Si, non, oui. Mais quand l'idée de la mode, ça veut dire que... Ben moi, ça, je trouve ça intéressant que ça se diffuse, cette méthode de travailler la permaculture ou de regarder le monde d'une certaine manière, ou le soleil. Je sais que, par exemple, en permaculture, le soleil, on regarde bien tout le trajet dans son jardin, que fait le soleil pour pouvoir... Enfin, voilà, c'est une manière de regarder la vie, quoi, là-bas. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit la mode, que l'information se diffuse. Après, que tout le monde le fasse sans être conscient de ce qui se passe. Parce que moi, en fait, ce qui m'intéressait aussi dans cette conversation, parce que moi, je crois ça. Maintenant, vous pouvez me contredire. Hein. Moi, l'image que j'ai, c'est celle des Indiens d'Amérique, vous voyez, qui c'est les premiers connectés. Mais même nous, ici, hein, moi, tout le monde était connecté. On n'avait pas le choix. On était connecté à cette terre parce qu'on on dépendait de cette terre. Et donc, évidemment, qu'on la connaissait. Hein, à force d'être avec elle, ben, on connaissait son humidité, sa chaleur, etc. Mais, mère, je t'occupe à me guérir. Donc, tu disais qu'on était tous connectés, mais que, bien sûr, on est tous connectés. Oui, mais c'était ça que je voulais, j'avais envie, parce que tu disais au début, Bénédicte, c'est ça, hein, Bénédicte, c'est qu'on a été déconnectés. Moi, j'avais envie de comprendre, alors, parce que qu'il y ait une mode, que les gens soient dedans pour consommer, pas consommer, bon, chacun se débrouille, mais ça donne aussi envie de titiller, parce que c'est comme s'il y avait aussi une classe de gens aujourd'hui, vous voyez, qui peuvent se permettre de ne pas mettre ses enfants à l'école. Enfin, voilà, moi, il faut faire gaffe aussi comment on défend tout ça, vous voyez, parce que sinon ça fait un peu les farfelus, là, oui, c'est ça, les farfelus avec leur aspect financier. Vous voyez ce que je veux dire, on se déclasse d'une certaine classe aussi, je ne sais pas comment ça vous parle, tout ce que je raconte. Mais je pense que ce qui est important, c'est que, enfin, pour moi, il n'y a pas de jugement, hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il peut, déjà. Avec ce qu'il a, avec ce qu'il a reçu, avec ce qu'il a envie. Mais par rapport à cette déconnexion, on peut revenir sur la déconnexion? Oui. Ou alors une autre, c'est comment on fait pour changer ce monde, quoi? Pas simplement, vous savez, de l'entre-soi, des petites bulles ou des gens qui pensent tous pareil, très bien, oui, on est le futur. J'avais envie de rassembler. Comment est-ce que vous voyez ce monde, en fait, comment vous vous positionnez dedans, hein, comment vous voyez les enjeux économiques, politiques, géostratégiques, ou alors tout ça, c'est au-delà. Voilà, vous pouvez aussi, c'est pas mon souci, je ne me préoccupe pas de tout ça, enfin voilà, comment. Mais, enfin, moi, moi personnellement, je trouve que c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde. Pourquoi? Mais parce que on peut pas faire abstraction, on n'est pas une autruche où on met notre tête dans le sac. Maintenant, je n'ai pas envie, moi personnellement, et je pense que dans notre manière de faire ici, on essaie d'amener ça aussi, on peut pas se disperser à réagir tout le temps que avec ce qui se passe à l'extérieur et de ce qui se passe par rapport au monde. Et j'ai pas envie d'être dans une peur ou emmenée dans un truc. J'ai juste envie d'amener des choses qui me semblent recentrer la personne et d'être quand même dans une action. Et dans une action qui soit le plus respectueuse par rapport à la nature. Parce que pour moi, la nature et nous, on ne fait que un. Et quand je dis on est déconnecté, je pense que c'est quelque chose, c'est un processus peut-être lié même au développement de la Terre ou de tout le monde ou de l'humanité, c'est qu'à un moment donné, on est devenu de plus en plus terrestre, mais on a oublié un peu que dans l'herbe, il y a autre chose, c'est pas que de l'herbe, dans la plante, il y a autre chose que peut-être que la plante, il y a quelque chose qui est... c'est comme si on avait enlevé dans tout ce qui nous entoure l'âme des choses et que il faut être objectif quand on parle, il faut surtout ne plus y mettre son ressentir, mais je pense que c'est une erreur. Et pour moi, mais comment ça se fait, ça, par exemple? Ça vient d'où, ces mots d'ordre? Ces mots d'ordre, ben oui, genre, il faut être objectif, on ne peut plus sentir, on est déconnecté aujourd'hui. Oui, mais ça vient d'où? Pour moi, avec le capitalisme, avec la consommation, avec parce que tout doit devenir vendable, coupable, mesurable, traitable, et donc pour moi c'est un peu ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller rechercher justement l'essence dans les choses et dans l'herbe ou dans le et chez l'autre. Enfin, je veux dire, même quand on observe une plante, quand on voit aujourd'hui, on dit la plante, elle a des plantules, des racines, des tiges, des feuilles, des pistils, et quoi? Et après, on met un nom dessus. C'est comme si on disait, ben, Graziella, elle a deux jambes, elle a deux bras, elle a un nez, elle a des yeux bleus. Et puis, et quoi? Et c'est Graziella, ça. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est où on en est au niveau de la pensée générale. On travaille comme ça. Et moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à qu'est-ce qu'il y a derrière. Ou qui est Graziella? Et pas uniquement une personne vidée de sa substance. Parce que on se suit toujours bien, là, vous comprenez un peu la discussion, c'est parce que... Oui ? Non, mais quoi ? Non, c'est vrai que, enfin, moi, personnellement, j'ai tendance à me disperser et me... On se concentre. L'idée, c'était de dire, ben, on n'a pas encore une fois formulé cette idée, en fait, qu'on est déconnecté. Oui, mais pourquoi on est déconnecté ? Pourquoi on pense à la grosse bagnole ? Pourquoi, au fond ? Parce que... Il y a un système qui est là quand même, quoi, qui nous a forcé. Enfin, quand vous lisez l'histoire avec un grand H, c'est quand même trash, hein, je veux dire. Et même encore aujourd'hui, ça continue. On est occupé à privatiser l'eau, on est occupé à privatiser les terres. Il y a plein de gens qui n'ont plus droit. Ça, c'est plus dans le sud, à plus cultiver leur propre la terre mère, là. Voilà, donc j'avais envie aussi de un peu contextualiser tout ça, quoi, pour voir qu'est-ce que vous racontez de ça. Est-ce que vous... Parce que de notre côté, dans le Nord, vous voyez, c'est plus genre une image d'Épinal, vous voyez, les babacools qui reviennent, allez, ils font un retour à la nature, mais c'est bien plus profond que ça. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, et qu'est-ce que vous avez envie de rajouter avec ça? Moi, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que, en tout cas pour moi, cette conscience-là, elle est fort présente, effectivement, de l'emprise du système capitaliste et du système aussi industriel sur nos cultures, nos manières de penser, ici comme ailleurs, comme dans les pays du Sud. Et après, je pense qu'il y a plusieurs manières de changer. Enfin, si on se dit qu'on n'a pas envie de ce système-là et qu'on veut changer quelque chose, il y a plusieurs dimensions dans lesquelles on peut agir. Ah, donne-nous ces dimensions. Et là, je vais reprendre les dimensions que Johanna Macy elle nomme dans ce qu'elle appelle le changement de cap, donc ce changement qu'elle appelle de changement de cap d'une société qui détruit la vie vers une société qui soutient la vie. Comment elle s'appelle ? Johanna Macy. Donc elle voit trois dimensions dans lesquelles il y a de plus en plus de gens qui agissent. Il y a tout ce qui est plutôt activisme, les résistances qui sont là dans des endroits où on essaye de freiner là où le système est le plus violent et le plus dur. Ça peut être des occupations, des marches, des pétitions, du lobby aussi. Enfin voilà, ça c'est une des dimensions qui est vraiment super importante parce que c'est... Pas des armes alors, pas des guerriers, guerrières Non, je pense pas. Alors il y a plein d'associations ou de personnes qui agissent dans... Donc il y a sans doute des positionnements différents par rapport à la désobéissance civile, à la violence, à la non-violence. Voilà. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se font de manière non-violente. Mais l'idée, c'est de dire non, de dire stop. Voilà. Tous ces endroits où le système est tellement prégnant et violent. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est de... Voilà, juste faire ça, ça ne suffit pas. Et par ailleurs, il faut aussi construire des alternatives, montrer qu'il y a moyen de faire autrement. Et nous, on se situe sans doute plus déjà dans cette dimension-là. Donc, montrer qu'on peut cultiver autrement, qu'on peut éduquer autrement, qu'on peut soigner autrement, qu'on peut... Voilà, plein de choses différentes. Ça, c'est donc la construction d'alternatives. Et la troisième dimension, c'est un changement de conscience. Parce qu'on peut, faire une école, une autre école ou un autre potager, mais si on reste dans des relations de pouvoir entre nous, de manque d'authenticité, mais on va sans doute reproduire les mêmes erreurs au bout d'un temps. Et donc ce changement de conscience, ben, je crois que Bénédicte l'a déjà nommé aussi, c'est, c'est aussi se rendre compte que tout est relié, est interconnecté, et donc que mes actions ont un impact et que la manière dont je me positionne, même dans un tout petit groupe, va avoir de l'influence. Comment je me positionne par rapport au vivant. Si je dis, bon, j'ai envie d'un endroit où les gens peuvent parler, communiquer, etc., mais que par ailleurs, je sais pas, moi, je détruis les insectes ou on abat une forêt pour ça, ben, il y a de l'incohérence. Donc, ce mouvement aussi de plus de conscience, il est aussi à l'œuvre. Donc, il y a des gens qui se centrent plus là-dessus, ça va peut-être être des conférences, des ateliers de réflexion. On a bien compris ces trois dimensions. Ça me parle. Ces trois dimensions, elles ne sont pas opposées. Et donc, parfois, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, je trouve que c'est plus important d'être activiste et vous, votre petit jardin rikiki, ça ne va pas changer le monde. » Et d'autres personnes qui disent « Moi, faire de l'agriculture biologique, c'est plus intéressant qu'aller manifester parce que de toute façon, ça ne sert à rien, etc. » Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'opposent et pour moi, c'est juste complémentaire. Plus intéressant ou alors c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ma nature, je me sens bien là-dedans. Enfin, voilà, ce n'est pas obligé de s'opposer, comme tu dis. Oui. Et je pense que déjà, c'est important de reconnaître que ces trois dimensions sont importantes, sont complémentaires et qu'on a besoin de personnes dans les trois et qu'ils soient en lien aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où ça peut être des personnes, ça peut être des associations. Je pense que de plus en plus de personnes voyagent entre les trois. Maintenant, au niveau des collectifs, des associations, c'est parfois plus tranché. Nous, on se situe là et pas là. Voilà, je pense que ça avance bien aussi. Il reste 10 minutes pour... J'avais envie de parler de Notre-Dame-des-Landes. Vous pensez de quoi, Notre-Dame-des-Landes? Vous voyez ça comment? Moi, je pourrais vous donner mon avis, comme ça on peut causer, mais vous, comme ça? Moi, je ne sais pas m'exprimer là-dessus parce que je ne connais pas assez. Je ne sais pas dire. Je sais qu'il s'est passé des choses très violentes, mais je ne connais pas trop le contexte, donc voilà. Moi non plus, j'ai pu lire des choses, mais je ne suis jamais allée, je n'ai jamais rencontré de personne qui y était. Par contre, moi je fais le parallèle avec une ZAD qui a eu ici près de Bruxelles, au Kelbeek, où donc, il y avait 18 hectares en bordure de Bruxelles où on a voulu installer, enfin où l'État voulait installer une prison. Ouais. Et là, il y a eu pendant assez longtemps, en tout cas, un mouvement qui a occupé les lieux, qui a planté des patates, etc. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment important. C'est plus des gens qui, si je reviens à mes trois dimensions, qui vont être plus dans la première dimension, mais c'est vraiment important de... Dans la première et la deuxième, c'est-à-dire qu'en fait... Juste pour dire, il montre Notre-Dame-des-Landes, ça a été violent parce qu'il y a, je ne sais plus le nombre, 3000 CRS qui sont venus les déguerpir de leur terre, là. Mais il y avait des gens, c'était génial. Ils cultivent du potager, ils sont aussi en copains avec des fermiers qui n'ont pas voulu quitter les terres, là, puisque les terres, normalement, étaient vendues pour faire un aéroport. Enfin, vous voyez, il y a des gens qui faisaient avec des moutons, enfin qui élevaient des moutons, il y avait des punks aussi, enfin voilà, il y avait une véritable harmonie, mais bien différente les unes des autres, quoi. Vous imaginez que ça, c'est dangereux au point que Emmanuel Macron, donc ça se passe en France, envoie 3000 CRS pour déguerpir ces gens. C'est dangereux. Vous vous rendez compte de ça? C'est quand même fou, non? Ça vous raconte quoi, ça, de dire que c'est dangereux? Qu'une alternative est possible, de montrer qu'on peut faire un autre monde, comme un autre monde est possible, quoi. C'est dangereux, ça. Ça vous parle comment? Est-ce que vous sentez, vous, le danger? Non, moi, je le sens évidemment pas comme un danger. Je le sens comme une magnifique opportunité, mais je peux comprendre que le système dominant le sente comme un danger parce que ça montre aux gens qu'ils n'ont pas besoin, justement, de... À partir du moment où ça prend de l'ampleur et que c'est visible, ça montre aux gens qu'ils n'ont pas besoin nécessairement d'être dans les rails de la société de consommation. Et dans ce sens-là, je comprends que ce soit dangereux pour le système dominant. Et le fait qu'ils soient venus avec autant de CRS, etc., ça montre en fait combien le système est violent, mais de manière, en général, on la voit moins visible. Mais là, c'est montré, c'est juste enlever un voile, mais la violence, elle est là, en fait, du système. Donc moi, je le vois comme ça. Mais je pense que... On le voit dans plusieurs domaines. Là, c'est des gens qui se sont regroupés. On le voit au niveau du brevetage du vivant. On le voit dans les semences. On le voit avec des personnalités magnifiques comme Vandana Shiva qui, depuis des années, finalement, se bat. Et dans d'autres petites... Même quand on voit par rapport au contrôle auquel on est aujourd'hui exposé, quand on veut... faire des choses à sa mesure, on a vite l'AFSCA sur le dos, on a vite des trucs de contrôle, et même au niveau médicaments, les médicaments aujourd'hui qui sont répertoriés, qui sont là pour agir sur les hommes, pour les enfants qui sont hyperactifs, trucs, enfin, il y a plein de menaces qui sont là aujourd'hui, et donc je me dis quelque part, ça veut dire que on est une menace avec notre manière de fonctionner pour le système qui est bien établi. Et donc, quelque part, là, je trouve que c'est très réjouissant, effectivement, parce que ça veut dire qu'on commence à avoir un peu du poids contre cette grosse machinerie qui, finalement, est toujours dominante. Et d'un autre côté, ben, forcément, ça peut faire peur aussi, parce que effectivement, devoir agir avec toujours... quelque chose au-dessus de soi qui se dit est-ce que demain je vais encore pouvoir faire ce qui me semble juste, c'est quand même aussi et on voit quand même des personnes qui s'arrêtent aussi dans leur élan parce qu'ils n'ont pas la force physique, morale, peut-être psychologique, parce que souvent j'ai l'impression que il faut une grande force en fait pour être dans des choses alternatives, et peut-être que c'est aussi ça qui explique les premiers mouvements, quand il y a eu le féminisme qui est arrivé, ben, c'est des mouvements... Il y a de la violence aussi dans ces mouvements. On voit ça dans même le végétarisme, puis maintenant le véganisme. Il y a toujours une espèce d'extrême qui vient pour s'imposer. Et peut-être que c'est nécessaire pour amener des nouvelles choses. Et donc, il faut être costaud pour tenir et pour continuer dans sa lancée... Et tenir, et en fait, maintenant c'est moi qui perds le fil. Mais... Ça arrive. Mais quoi, vous votez, vous votez pas? Est-ce que vous croyez, parce qu'aujourd'hui maintenant avec les écolos qui sont plus présents, du moins à Bruxelles, et puis même en France aussi, il y a eu... Vous voyez ça comment? Parce qu'il y a deux, on va dire, il y a deux courants... Donc les écolos dans le sens que ça défend la nature, hein, d'accord. Après, on peut discuter, mais bon, il y aurait deux courants avec les écolos. C'est soit ça devient institutionnalisé, on vote, on fait quand même une économie verte, on fait du capitalisme vert, il faut faire gaffe. Et puis d'autres qui disent, mais non, il faut carrément changer tout ce système, quoi. On ne va pas reproduire la même chose en faisant simplement avec de la couleur verte. Vous voyez les choses comment? Si vous n'avez pas d'avis parce que vous n'avez pas réfléchi au truc, dites-le. Hein. Pour moi, ça reste important de voter. Voilà, malgré tout... Donc de s'inscrire dans le système qui existe. Au niveau du vote, oui. Voilà, parce que c'est même s'il est très foireux sur plein niveaux, et donc pour moi ça ne suffit absolument pas de voter, donc je ne dis pas je vote et puis après j'ai fait mon devoir ou mon action, mais en tout cas c'est important pour moi de donner ma voix, de montrer vers où, enfin, et de réunir les voix des personnes qui justement ont envie de changement. Et voilà, après, ça peut être des débats au sein d'un parti écologique, par exemple, quelles actions sont vraiment importantes. Et on peut évidemment ne pas être d'accord avec des positions qui sont prises, mais en tout cas, pour moi, ça reste important. Le vote reste important. Est-ce que vous êtes au courant avec tous vous voyez, les Thunberg, là, Greta, la Suédoise, puis toutes les jeunes qui... Oui, ça comment, enfin, c'est ça que je veux dire, un peu l'aspect institutionnel, quoi. Comment vous voyez tout ça Mais moi, je dois dire que moi, personnellement, je suis ça de plus loin, vraiment de plus loin. Comme pour la politique, pour moi, c'est. Moi, j'ai fait partie du mouvement écolo, j'ai été conseillère communale, j'ai fait un peu senti le marionnettisme, enfin. Et je vote plus aujourd'hui, ouais. Parce que j'estime effectivement que c'est reproduire les mêmes. Mais c'est mon expérience au niveau du parti, c'est pas bien non plus terminé, quoi. Je trouve que y a un côté comme ça, voilà. Et je y a pas longtemps, mais maintenant vraiment, je me dis, je n'y vais plus. J'ai envie que J'ai l'impression qu'on est trop, même à l'intérieur, quand on veut faire quelque chose, on est trop tenu quand on est dedans. On n'a plus le mouvement de cette liberté d'action. C'est peut-être une erreur, j'en sais rien, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été acquis avec beaucoup de douleur aussi, tu vois, de pouvoir vraiment que le vote soit. Pour tout le monde, c'est un combat social qui a eu lieu et je ne crache pas du tout dessus. Hein. Je trouve que ça a été vraiment remarquable et que c'était peut-être utile à un certain moment. Pour moi, maintenant, il faut passer à autre chose et ça me. C'est comme avec. Voilà, je ne vais pas non plus manifester pour le climat. Parce que pour moi, ce n'est pas que je ne me suis pas sensible au climat, mais je n'ai pas envie d'avoir une pression de. Une pression, ni une peur de me dire, j'essaie de mettre en place ou de vivre les choses en lien sans être violence par rapport à la nature et par rapport à la terre et par rapport à mon environnement. Mais je suis pas impliquée dans des mouvements tels quels. Et je trouve par ailleurs remarquable qu'il y ait des prises de position telles que cette jeune fille, justement. Et d'autres, hein, parce qu'on voit des personnalités extraordinaires qui sont à leur place et qui font bouger, qui font vraiment bouger les choses, qui font bouger les consciences. Et je trouve que c'est magnifique. Et de perturber comme ça un ordre établi où finalement il n'y a que les grands qui peuvent parler, qu'il faut être dans une assistance, et que là il y a des personnalités comme ça qui sont magnifiques et qui éclosent, je trouve ça superbe, quoi. Mais voilà, je trouve que c'est un magnifique travail aussi. Oui. Bon, ben, on arrive un peu à la fin. Tout ça, on a fait un petit peu un tour comme ça pour savoir ce que pensaient Corinne et Bénédicte de cet ASBL humus là qui est à Oei. C'est comme ça qu'on dit Oei. O-H-E-Y. Et ben voilà, merci. Mais je vous laisse un petit peu le mot de la fin sur tout ça, sur toute cette discussion. Vous avez trouvé ça compliqué? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est des questions que vous posez régulièrement? Ou bien, comment le retour de tout ça, vous voyez comment? Oui, pour moi, c'est des questions que je peux me poser, en tout cas, ou qu'on peut me poser dans certains groupes. Et voilà, il y a pas de souci à partager l'avance de là où j'en suis. Et toi, Bénédicte? Oui, moi je suis contente aussi d'avoir pu dire un peu des choses, mais je crois qu'il faut vraiment. Enfin, moi je pense que ce qui se passe se passera et qu'on est dans un. On est dans un. Enfin, moi, je suis dans une acceptation de ce qui va venir demain, toi. Donc, Qu'est-ce qui va se passer demain, je n'en dis-moi? sais rien. Je n'en sais rien Qu'est-ce du qui tout. pourrait se Hein, passer? ouais. Positif, négatif? Ah non, je suis quand même assez. Je suis quand même. Enfin, dans les actes, j'ai envie d'être positive dans les actions que je pose, et j'ai pas envie de me laisser envahir par de la noirceur qui va peut-être arriver, mais je ne vois pas le sens de devenir noir parce qu'il y a du noir qui arrive. Mais comment tu deviendrais noir? Enfin, on En peut. étant découragé, ou en agissant plus, ou en étant Comme ça. oui, Parce que le monde, il est noir, hein, si tu te renseignes bien. Tu peux, ah oui, mais tu peux être lumineuse quand même. Hein. Tout à fait, ça n'empêche pas d'être lumineux dans un monde noir, de noirceur, on pourrait dire comme ça alors. Et toi, tu vois ça aussi? Le futur, positif, négatif, comment tu te sens? Les deux. Je vois un futur quand même très bousculé. Je pense qu'on ne va pas vivre comme on vit maintenant encore pendant des siècles et même des dizaines d'années. Mais vivre comment maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire en gros? Comme on vit globalement en Belgique, donc dans une sécurité alimentaire. Voilà, je pense qu'on va entrer. On entre déjà, certains sont déjà entrés dans une période avec beaucoup plus de difficultés, d'incertitudes, que ce soit professionnelles, financières, etc. Donc voilà, ça peut effectivement faire peur. Je vois aussi au niveau des écosystèmes, beaucoup de choses qui disparaissent, ouais. L'aspiration d'insectes, la sécheresse, les forêts qui brûlent, etc. C'est certainement pas positif en tant que tel, en tout cas avec la vision que nous on peut avoir, qui est quand même aussi à court terme là-dessus. Et maintenant, ce que je trouve positif, c'est que justement, ça fait bouger des gens et qu'il y a peut-être des opportunités pour peut-être justement des fenêtres ou des espaces qui s'ouvrent pour d'autres modes de penser, de vivre. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est positif. Donc, je me sens ni pessimiste ni optimiste parce que, comme Béné, on verra bien ce qui vient. Mais en tout cas, c'est important pour moi d'ouvrir les yeux sur tout ce qui vient vers nous. Et voilà, de créer suffisamment de liens, pour moi c'est ça, suffisamment de liens, et de prendre soin aussi, d'être dans plutôt du prendre soin de les uns des autres, de la terre, pour traverser ça, même si on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Merci à vous deux.